À la même. Ô la plus belle des maîtresses, fuyons dans nos plaisirs la lumière et le bruit. Ne disons point au jour les secrets de la nuit. Aux regards indiscrets dérobons nos caresses. L'amour heureux se trahit aisément. Je crains pour toi les yeux d'une mère attentive. Je crains ce vieil Argus au cœur de diamant, dont la vertu brusque et rétive ne s'adoucit qu'à prix d'argent. Durant le jour, tu n'es plus mon amante. Si je m'offre à tes yeux, garde-toi de rougir. Défends à ton amour le plus léger soupir. Affecte un air distrait. Que ta voix séduisante évite de frapper mon oreille et mon cœur. Ne mets dans ton regard ni trouble ni langueur. Hélas, de mes conseils je me repens d'avance. Ma chère Éléonore, au nom de nos amours, n'imite pas trop bien cet air d'indifférence. Je dis roi, c'est un jeu, mais je crains droit toujours.